Zeno. À la mi-septembre, Alex, Rachel, Olivia, Nathalie et Christopher sont décidés à adapter pour le théâtre les fragments de « La cité des nuages et des oiseaux » et à donner une représentation en costume. Il pleut. Les fumées se dissipent. La qualité de l'air s'améliore, mais les enfants continuent à venir à la bibliothèque le mardi et le jeudi après les heures de classe. Zeno comprend que ces gamins-là ne sont pas inscrits au club de volley et n'ont ni prof de maths particulier ni bateau dans la marina. Les parents d'Olivia sont responsables d'une église. Le père d'Alex cherche un emploi à Boise. Les parents d'Olivia travaillent dans un restaurant jusque tard dans la soirée. Christopher appartient à une fratrie de 6. Quant à Rachel, elle n'habite que cette année aux États-Unis, où son père australien collabore avec la direction des ressources naturelles de l'Idaho pour prévenir les risques d'incendie. Zeno apprend quelque chose de chaque minute passée en leur compagnie. Plus tôt dans l'été, son attention restait braquée sur tout ce qu'il ne savait pas, sur les nombreuses lacunes dans le texte de Diogène. Désormais, il se rend compte qu'il n'est pas obligé d'avoir des connaissances exhaustives sur les bergers de la Grèce antique, ni de maîtriser parfaitement le vocabulaire de la seconde sophistique. Il peut se contenter des pistes que lui ouvrent les fragments du manuscrit. L'imagination des enfants se chargera de compléter le tableau. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, peut-être même depuis l'époque du camp numéro 5, quand Rex et lui s'asseyaient l'un contre l'autre près du feu des cuisines, il se sent pleinement éveillé, comme si on avait arraché les rideaux des fenêtres de son esprit. Ce qu'il désire faire se trouve juste là, devant lui. Un mardi du mois d'octobre, le petit groupe d'écoliers s'assied en rond autour de sa table à la bibliothèque. Christopher et Alex dévorent des beignets que Marianne a sortis d'il ne sait où. Rachel, maigre comme un clou dans son jean et ses bottes, est penchée sur un feuillet, griffonnant, effaçant, écrivant de nouveau. Nathalie, qui n'ouvrait quasiment pas la bouche les 3 premières semaines, parle maintenant à jet continu. « Après son long voyage, dit-elle, Aiton résout l'énigme. Il passe les portes, il boit aux rivières de crème et de vin, il mange des pommes, des pêches et même des gâteaux au miel. Il fait tout le temps super beau, personne n'est méchant avec lui. Et malgré tout, il est malheureux. » Alex mange un autre beignet. « Ouais, ça paraît dingue, ça. » « Vous savez quoi ?» dit Christopher. « Dans ma cité des nuages et des oiseaux, il y aurait du soda à la place du vin. Et les fruits, ce seraient des bonbons. »« Oui, plein de bonbons !» approuve Alex. « Smarties à volonté !» propose Christopher. « Kit Kat à volonté !»« Dans ma cité à moi ?» fait Nathalie. « Les animaux seraient traités pareil que les gens. » Et Alex ajoute. « Et on n'aurait jamais de devoirs, ni d'angines. » Mais le méga-livre magique qui contient tout, au centre du jardin, je le garderai dans ma cité, précise Christopher. Comme ça, on saurait tout, rien qu'en lisant pendant 5 minutes. Zeno pose les yeux sur sa liasse de notes. Au fait, les enfants, je vous ai déjà dit ce que signifie « Aiton » en grec. Ils font nom de la tête. Il écrit alors en très grosses lettres « Aiton ». Flamboyant, brûlant, ardent. D'après certains, ça peut aussi signifier affamé. Olivia se rassied tandis qu'Alex enfourne un nouveau beignet. C'est peut-être pour ça, suggère Nathalie, qu'il ne s'arrête jamais, qu'il ne peut pas tenir en place, parce qu'il y a ce feu à l'intérieur de lui. Rachel regarde au loin avec une expression rêveuse. Dans ma cité à moi, la sécheresse n'existerait pas. Il pleuvrait chaque nuit, il y aurait des arbres bien verts à perte de vue, et de grandes et fraîches rivières. En décembre, il passe un mardi à fouiller les stocks d'une friperie pour dénicher des costumes, et un jeudi à modeler des têtes d'âne, de poisson et de huppe à l'aide de papier mâché. Marianne commande des plumes grises et noires afin qu'il puisse confectionner des ailes. Tout le monde se met à découper des nuages dans du carton. Nathalie sélectionne des effets sonores sur son ordinateur pour faire une surprise aux enfants. Zeno demande à un charpentier de créer une scène et une cloison en contreplaqué qui seront livrées au dernier moment. Bientôt, il ne leur reste plus que 2 jeudis pour travailler. Et beaucoup de choses ne sont pas encore réglées. Il faut décrire le dénouement de la pièce, finaliser les dialogues, louer des chaises pliantes. Zeno se rappelle comment sa chienne Athéna vibrait d'impatience quand elle devinait qu'une sortie au bord du lac se préparait. On aurait cru que des éclairs lui traversaient le corps. C'est précisément la sensation qu'il éprouve chaque soir en essayant de trouver le sommeil, alors que ses pensées voguent par-dessus mers et montagnes et louvoient au milieu des étoiles, son cerveau pareil à une lanterne flamboyant sous son crâne. Le 20 février, à 6 heures du matin, Zeno fait des pompes comme d'habitude, enfile ses deux paires de chaussettes Utah Woolen Mills, noue sa cravate à motif de pingouin, avale une tasse de café, puis se rend au drugstore de Lakeport, où il tire 5 exemplaires de la dernière version de la pièce et achète une caisse de soda. Il traverse Lake Street, tenant les photocopies d'une main et les boissons de l'autre. Un ciel bleu argenté s'appuie sur le lac couvert de neige. Les nuages occultent les sommets. Une tempête se prépare. La Subaru de Marianne est déjà garée sur le parking. De la lumière brille à une des fenêtres de l'étage. Zeno gravit les 5 marches en granit de l'entrée et fait une pause pour reprendre son souffle. Pendant une fraction de seconde, il redevient l'enfant de 6 ans qu'il a été, esselé et grelottant, et 2 bibliothécaires lui ouvrent la porte. « Tu as l'air gelé, toi. Où est donc ta mère ?» La porte principale n'est pas verrouillée. Il monte à l'étage, s'arrête devant la cloison en contreplaqué doré. « Étranger, qui que tu sois, ouvre ceci et tu apprendras des choses stupéfiantes. » Quand il pousse la petite porte, la clarté se déverse par l'ouverture en arcade. Sur la scène, Marianne effleure de son pinceau les tours d'or et d'argent du décor, perchées sur un escabeau. Il la regarde en descendre et inspecter son ouvrage, puis remonter sur l'escabeau et plonger son pinceau dans le pot pour ajouter 3 oiseaux en vol auprès d'une des tours. La peinture fraîche dégage une odeur intense. Tout est calme. Avoir 86 ans et éprouver cela.